À l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, le président russe Poutine a fait parvenir le 9 septembre un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Le destinataire a noté que les relations entre la Fédération de Russie et la République populaire démocratique de Corée revêtent traditionnellement un caractère amical. Il a affirmé que le développement continu de la coopération bilatérale de complémentarité dans divers domaines conforme aux intérêts fondamentaux des peuples de deux pays et contribuera à la sécurité et à la stabilité de la péninsule coréenne et de toutes les régions de l'Asie du Nord-Est. Il a souhaité santé et succès au maréchal Kim Jong-un, ainsi que bonheur et bien-être à tout le peuple coréen.